Et comme ministre de la Marine, comme ministre de la Marine en Lorraine, moi je ne connais que Louis Jacquinot. Ce nom n'a jamais été, utilisé. Depuis, il y a effectivement eu Louis Jacquinot qui a été commissaire à la Marine à l'époque d'Alger, qui ensuite a été ministre, effectivement. Mais récemment, les noms politiques n'ont que très peu été utilisés. On peut dire que seul le nom de Charles de Gaulle est utilisé au cours des 30 ou 40 dernières années. Voilà. Il y a eu des, bon, vous avez vu, il y a eu des résistants, il y a eu des marins, mais pas d'hommes politiques récents. Mais je voulais savoir combien de ministres de la Marine la Lorraine avait produit. Ah, ben ça, excusez-moi, je n'avais pas compris la question. Bah déjà, alors il faut savoir, les ministres de la Marine, ça n'existe plus depuis le général de Gaulle. Auparavant, il y avait un ministère de la Défense et de la Guerre, enfin ça dépend de l'intitulé qu'on veut donner, et des secrétaires d'État au nombre de trois, un pour l'armée de terre, un pour l'armée de mer et un pour l'armée de l'air. Et le général de Gaulle a fusionné les secrétaires d'État. Donc depuis 1958, il existe un ministre des armées et il n'y a plus de temps en temps un secrétaire d'État, mais ce n'est pas pour une armée particulière. C'est par exemple pour les anciens combattants, enfin ceci, cela, comme le général Bijard en son temps, etc. Donc le nombre de ministres a été petit. Ça a été M. Mesmer pendant très longtemps, il y en a eu toute une série, mais aucun n'a donné lieu parce qu'on ne donne généralement pas des noms trop récents, sauf cas très particuliers. Alors, une autre question. Merci Pierre pour cette excellente présentation. Le cinquième Jeanne d'Arc, ce croiseur, enfin le sixième, le porte-hélicoptère, qui a la même coque que la De Grasse, eh bien, et le Colbert, devait s'appeler la Résolue. Qu'est-ce qui a amené la marine à changer, ou quelle a été cette idée saugrenue de l'appeler la Résolue? Et puis oui. J'aurai une autre question. Oui, alors par la suite. La réponse, c'est pas tout à fait ça, Pierre-Alain. On se connaît bien tous les deux, on travaille ensemble, donc on peut s'appeler par nos prénoms. C'est pas tout à fait ça, Pierre-Alain. Quand on a mis en construction le futur porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, le croiseur Jeanne d'Arc était encore en activité. C'est exact. Quand c'est comme ça, on donne toujours un nom transitoire. Et donc, à partir du moment où la décision est prise, on doit attribuer un nom. Et donc, le nom La Résolue a été attribué bien avant la mise à l'eau de la coque du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Et donc, le jour où la Jeanne d'Arc a été désarmée en 1964, aussitôt le nom a été changé. Alors, ce nom de La Résolue n'a pas été très souvent utilisé, mais ça rejoint la série des sous-marins nucléaires lance-engins qui s'appelle le Formidable, le Téméraire, le Triomphant. Et il vient d'être pris la décision il y a quelques semaines de baptiser un nouveau navire La Résolue. Ça va être un navire de taille assez petite, mais ça m'a frappé parce que c'est certainement très symbolique aussi de ce rappel. Donc c'est un nom qui fait partie des séries de la Marine nationale. Il y a pu y avoir des escorteurs ou des patrouilleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont porté ce nom. Je n'ai pas regardé parce que ce n'était pas tout à fait dans le sujet. Mais ça va dans le bon sens, quoi. Oui. Les trois dernières petites choses qui sont plus des précisions pardon, que des questions. Le croiseur Émile Bertin... Oui. A deux histoires très importantes dans sa carrière. Premièrement, comme vous le savez peut-être, la vitesse de pointe d'un navire est classée secret défense. Et le navire Bertin, le croiseur Bertin, avait le record du monde de vitesse qu'il a tenu et qui tient encore pour 42 nœuds, ce qui est énorme pour un navire de cette classe. La deuxième chose, c'est que pendant la guerre, il s'est illustré en faisant traverser l'or de la Banque de France vers les États-Unis au cours de plusieurs voyages. Et pour ce qui est de la frégate Aconite, qui fait partie de la classe Lafayette, eh bien, elle devait s'appeler la Jean-Ré d'Ibéry. Oui. Et elle a été débaptisée lorsque le président Chirac a créé la fourragère de la Croix de la Libération, car c'était le seul navire de la marine qui était compagnon de la Libération. Donc on a On l'a débaptisé pour l'appeler Aconique. Il y avait des escadrons de l'armée de l'air, il y avait des unités de l'armée de terre. Donc la marine aurait été orpheline. Et pour parler de Lafayette et pour terminer, étant né à Saint-Dié, qui, comme vous le savez, est marraine de l'Amérique, eh bien Saint-Dié est marraine de la tête de classe Lafayette, précisément. Ce premier navire stealth, comme on dit, invisible. Voilà. Merci. Alors je ne peux qu'être d'accord avec vous, Pierre-Alain. Alors, les croiseurs de la Deuxième Guerre mondiale, avaient, donc, dont l'Émile Bertin est un représentant, mais il y en a au moins 10 autres, les navires de la Marine nationale, les croiseurs de la Marine nationale de la Deuxième Guerre mondiale étaient surtout prévus pour opérer en Méditerranée. Par conséquent, la mer est relativement étroite et la consommation de carburant liée à une grande vitesse n'est pas un problème parce qu'on peut se ravitailler à Toulon, à Bizerte, à Oran, à Mersel-Kébir, à Casablanca, etc., etc. Le deuxième point, effectivement, l'or a été transporté par l'Émile Bertin. Et puis le troisième point, c'était quoi déjà, Pierre-Alain ? Oui, alors l'Aconite, effectivement, la série des frégates légères, des frégates furtives, c'est la France qui a inventé la notion de frégate furtive. Que tout, vous avez vu la coque inclinée pour envoyer les ondes radar vers le ciel. Donc c'est la France qui a fondé cette notion. La série des cinq frégates furtives a donné lieu effectivement à beaucoup de changements de nom. Mais il se trouve que le bâtiment Aconite dans la Seconde Guerre mondiale est réputé avoir coulé deux sous-marins allemands. Donc ça c'est tout à fait exceptionnel et c'est ce qui lui a valu la Croix de la Libération. Donc la fourragère aux couleurs de la Croix de la Libération. D'où les changements de nom. Mais par contre Guéprat a surnagé par rapport à Georges Guibry. Exact. Ben oui, comme on a besoin d'argent, la Marine nationale en fait les frais. Et puis le Maroc. Oui, oui Laurent, oui, pardon. Si, alors je veux encore dire un mot, c'est que quand il existe une frégate Lafayette en France, mais il existe un bâtiment qui s'appelle Lafayette aux États-Unis. De même qu'il existe un bâtiment qui s'appelle De Grasse. Ce qui n'est pas sans signification hautement symbolique. Attends, s'il vous plaît, attendez, je pose juste ma question, s'il vous plaît. Donc je passe sur mes souvenirs sur le pétrolier d'ailleurs Meuse, parce que j'ai navigué un petit peu dessus, petite parenthèse. Mais comment dire, c'est une question concernant les ministres de la guerre, Choiseul, qui était lorrain, enfin, etc. Il a commandé la marine au XVIIIe siècle à un moment, pendant quelques années. Est-ce qu'il y a eu un navire tout simplement avec son nom ou pas? Pas à ma connaissance, Laurent, mais c'est quelque chose que j'aurais pu dire. La royauté et les duchés, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, la royauté et les duchés sont passés sous silence. On est passé dans la République universelle, etc., etc. Et donc les noms d'anciens régimes sont rares. Les seuls noms d'anciens régimes très bien perçus, c'est Richelieu, Colbert, bien sûr Jeanne d'Arc, mais... Bon, alors il y en a quelques autres. Bon, il y a Casabianca pour un sous-marin de tradition, mais ça ne va pas loin, si j'ose dire. C'est limité en nombre. Monsieur ? Attendez peut-être le micro. Ici, il y a une question. Ah, pardon. Oui. Est-ce que pendant la période de l'annexion, l'Empire allemand a utilisé les noms, par exemple, Elsace-Lothringen ? Oui, mais pas pour des navires de guerre. Oui, bien sûr, il l'a utilisé, mais pas à ma connaissance pour des navires de guerre. Je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas d'exemple dans ma tête. Une petite question avant de passer le micro. À partir de quel moment on voit les premiers noms de navires qu'on pourrait lier à la Lorraine au XIXe siècle ? On a vu 1830 pour oui, la première Jeanne d'Arc. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Parce qu'auparavant, on est dans des noms de la royauté qui sont souvent des noms mythologiques, ou bien c'est lié à la famille royale. Donc ça va s'appeler le soleil royal, ça va s'appeler le bel air au fond, qui est un nom très classique, mais qui est un nom qui relève de la mythologie. Il peut y avoir des noms de province, mais la Lorraine n'en est pas, puisque la Lorraine n'est pas française, puisqu'on est les derniers avec les Corses. Sous l'ancien régime, il y a eu des noms de province. Tout à fait. Voilà, voilà. Par exemple, il y a la ville de Paris, parce que c'est Paris qui finance le navire, comme le dit M. Jalabert. Donc ça a existé. Mais ça ne peut pas exister pour nous. Est-ce que cette logique de nomination est faite par tous les pays en général, ou est-ce qu'il y a d'autres logiques? Bah, par exemple, les États-Unis, oui, il y a d'autres, bon, il y a d'autres logiques. Par exemple, les États-Unis possèdent 14 porte-avions. Donc, à l'échelle de la planète, il n'y a qu'eux qui en ont. Les autres en ont un ou deux. Les Anglais, les Britanniques en auront deux prochainement. La tradition maintenant, les Américains ont eu un très grand nombre de porte-avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les tout premiers, ça a été un peu n'importe quoi, mais je ne sais pas péjoratif. Hein. Ça peut être des noms de gens, ça peut être des noms d'États, ça peut être des noms de batailles. Aujourd'hui, c'est tous des présidents des États-Unis ou des grands marins de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a Bush, il y a Carter, il y a Eisenhower, il y a Kennedy. Mais bon, il y a aussi l'amiral Nimitz qui a commandé en chef dans le Pacifique en 1944. Alors les États-Unis ont une flotte tellement immense qu'ils ont plus de 1000 navires de guerre. Alors ils sont obligés d'avoir des notions de série. Donc il y a eu tous les officiers, il y a eu les gens qui ont été tués au Vietnam. Il y a les noms d'États, mais ça s'arrête à 50. Il y a des noms de villes. C'est une logique un peu voisine de la nôtre. Bon, puis les petites marines, bah, ils ont quelques noms. Le Maroc, ils ont une frégate FREM qu'ils nous ont achetée récemment. Alors, ils ont donné le nom du roi. Mais eux, ils ont peut-être 10 ou 20 navires de guerre. Donc, vous voyez, ça... Bon, les Russes, aujourd'hui, donnent des noms d'amiraux, beaucoup. Mais il y a aussi d'autres noms, forcément. Les navires logistiques, ça va un peu aussi dans le même sens, quoi. Des noms de terre ou de rivières, de fleuves. Oui, alors oui, mais ce n'était pas les grands porte-avions, c'était la série des porte-avions d'escorte, effectivement, Boisbello. Et il y a eu Lafayette, qui nous ont été prêtés pendant très longtemps. Oui, tout à fait. Mais Boisbello, ils auraient pu avoir aussi un porte-avions qui se serait appelé Saint-Mihiel. Parce que Boisbello, c'est la première grande bataille des Américains en 1918. Et donc, voilà. Voilà. Pardon, ouais. Laurent ? Laurent, on a dit pas d'intervention sans le micro. Alors, la marine britannique fonctionne avec une notion différente. C'est des notions de série qui commencent par une lettre. Donc, par exemple, toute la série des sous-marins nucléaires lance-engins va commencer par A, par B ou par C. Bon, puis il y a des noms de tradition. Par exemple, Queen Elizabeth. Donc, le prochain grand porte-avions qui va sortir va s'appeler Queen Elizabeth II. Prince of Wales est un nom de tradition. Donc c'est bien sûr le nom de l'héritier de la couronne, mais c'est toujours le nom de l'héritier de la couronne, et il y a déjà eu plusieurs Prince of Wales. Et puis ils ont beaucoup de grands amiraux, type Rodney, enfin, etc. Quoi. Toutes les marines ont des idées un peu similaires, quoi, avec bien évidemment des différences. Question suivante. Oui. Est-ce que ces noms emblématiques donnent lieu à une iconographie particulière, qu'elle soit officielle ou non ? Oui, monsieur Blanchard. Alors j'ai hésité, mais je ne voulais pas trop en rajouter. J'aurais pu vous montrer la table de bouche. Autrefois, les navires portaient des canons qui étaient éventuellement très gros. Et en mer, le fût du canon est toujours bouché parce que l'eau salée abîme beaucoup. Et par conséquent, il est fermé par ce qui s'appelle une table de bouche. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de canons, mais il est toujours fermé. Et donc la marine offre à ses hôtes qu'on veut honorer une table de bouche, c'est-à-dire une médaille en bronze, circulaire bien évidemment, comme la bouche du canon, qui est mise sur une plaque en bois vernie de dimension légèrement supérieure. Et donc la table de bouche, c'est vraiment le grand cadeau que font les marins. Donc la table de bouche est toujours extrêmement bien décorée. Donc, pour vous donner un exemple, la table de bouche du porte-avions Foch montrait le bâton de maréchal de Foch. Il y a eu un deuxième porte-avions à la même époque qui a été le Clémenceau, et que vous savez tous que Clémenceau, on appelait le Tigre. Et donc, la table de bouche, bien qu'il n'y ait pas de canon sur un porte-avions, enfin, si, il y avait des canons sur le porte-avions Foch, mais et Clémenceau, il y avait 8 petits canons, mais donc la table de bouche montrait un tigre. Voilà. Pour vous donner un exemple. Alors, Guéprat, ça peut être l'effigie de Guéprat. Lafayette, ce serait l'effigie de Lafayette, etc. Oui, donc il y a une iconographie officielle, tout à fait, qui est d'autant plus officielle qu'elle est approuvée par le service historique de la Défense. Parce qu'on ne peut pas faire pour une table de bouche ou autre n'importe quoi. Il y a des notions de héraldique qui peuvent intervenir. Alors, il y a encore deux questions programmées, au moins trois. Je ne sais pas si j'aurais dû venir, hein, quand même, parce que... Jeanne d'Arc a-t-elle été la seule femme à donner un nom de femme donc, au bâtiment ? Y a-t-il d'autres femmes Pas à ma connaissance. Par ma connaissance, pour une raison extrêmement simple, c'est que la présence des femmes dans la marine nationale ne date à peu près que la Deuxième Guerre mondiale, avec le... Excusez-moi, on a donné des noms de personnages illustres. Il y a des femmes illustres. Non, mais attendez, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre complètement. Vous avez entièrement raison dans ce que vous dites, mais toutes les armées du monde ont d'abord été des armées d'hommes. Toutes les armées du monde ont d'abord été des armées d'hommes. La présence de femmes au niveau des armées est relativement récente, si on en exclut les cantinières. Mais on ne va donner des noms que de grands personnages. Or, la marine nationale n'a eu du personnel féminin qu'au cours de, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale, dans des emplois auxiliaires. Ben oui, c'est comme ça. On est dans un système machiste, excusez-moi, mais c'est bien comme ça. La présence de personnel féminin sur les navires de guerre pose des problèmes de cohabitation extrêmement importants. Et à partir du moment où on a décidé, il y a 20 ans, que l'équipage des sous-marins, l'équipage des frégates, des porte-avions et autres, était composé d'officiers mariniers, c'est-à-dire de sous-officiers, et puis maintenant de femmes qui sont issues de l'école navale et de l'école militaire de la flotte, il a fallu transformer les navires pour faire des quartiers masculins et des quartiers féminins. Donc ça, c'est donc vous voyez les problèmes qui sont posés. Et la première femme contre-amirale, c'est-à-dire du premier grade d'officier général, n'a été nommée qu'il y a 2 ou 3 ans. Alors donc vous voyez que à partir de là, il va certainement y avoir des femmes illustres, et on peut penser que le chef d'état-major de la marine, un jour ou l'autre, sera une femme. Mais il faut encore passer du temps. La première femme capitaine de vaisseau à qui on vient de donner un grand commandement, c'est-à-dire une frégate comme j'ai montré, ça date de l'année dernière. Donc vous voyez, il faut laisser, comme disait un certain président de la République, il faut laisser du temps au temps. C'est obligatoire, là. On peut dire la même chose de l'armée de l'air, hein ? Question suivante. Vous pouvez nous préciser combien la France possède de bateaux de guerre ? C'est difficile parce que... Alors, la France possède actuellement les bateaux importants sur les porte-avions et les bâtiments de commandement et de soutien, les BPC, les bâtiments de projection et de commandement, c'est-à-dire qu'ils peuvent transporter des navires de débarquement, puisqu'on opère toujours à l'extérieur maintenant. Donc les BPC, comme on vient de vendre à l'Égypte, après les deux bâtiments avortés russes. Donc on possède un grand porte-avions nucléaire, 40 000 tonnes. C'est la moitié de ce que font les États-Unis, mais on n'a pas de cales qui permettent d'en faire des plus gros. Ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de cales, à Brest ou ailleurs, ou à Saint-Nazaire. Donc on a un grand porte-avions nucléaire. On a 3 bâtiments de projection et de commandement qui sont très très importants. On a une 20aine de frégates, donc soit de la classe Aquitaine, puisqu'il y en a déjà 4 en service, et puis comme l'a dit M. Antoine, donc la classe Lafayette. Et puis on a encore 5 ou 6 vieilles frégates anti-sous-marines qui vont être remplacées. On a 4 frégates anti-aériennes. On a encore un certain nombre d'avisos, comme le commandant de Pimodan, je crois 5 ou 6, il y en avait 17 à l'origine. On a tout un tas de petits patrouilleurs. On a 4 sous-marins nucléaires lance-engins, ce qui est beaucoup. On en a eu 5, mais aujourd'hui, c'est moins nécessaire. On a 6 sous-marins nucléaires d'attaque qui sont basés à Toulon. Des bâtiments de débarquement, c'est les BPC avec des bâtiments très, très modernes pour mettre dedans. La preuve, c'est que les États-Unis viennent de nous les acheter. Alors ça, c'est... Quand les États-Unis achètent à l'extérieur, c'est qu'ils ne peuvent vraiment pas vous torpiller votre projet. Hein, voilà. On a encore trois porte-avions, 3 pétrolières ravitailleurs d'escadre, mais il va falloir bientôt les remplacer. Plus aucun bâtiment logistique, il va falloir en construire. Et puis une poussière navale de remorqueurs, de petits bâtiments très importantes, parce que sans eux, les gros font rien. Donc, je sais pas, on a 50-60 grands bâtiments. On doit être au 5e rang ou 6e rang des marines mondiales. C'est ça, Pierre, là, à peu près ? Oui, oui, voilà. Oui, plus de 2 frégates Horizon qu'on a construit avec les Italiens. Voilà. Encore une question, probablement la dernière. Pour l'anecdote, j'ouvre une parenthèse. Dans le village de Coclois, dans l'Aube, au pied de l'église, la tombe d'un ministre de la Marine de Louis XVI. Je ne me rappelle plus son nom, peu importe. C'est ma question la suivante, qui n'a rien à voir avec la parenthèse. Votre base documentaire pour établir cette liste de navires donc à consonance lorraine, si j'ose dire. Vous avez fait comment? Vous avez fait un travail de bénédictin? Vous avez pointé toutes les archives de la marine, les listes officielles? Bah déjà, j'ai 67 ans, ça fait 55 ans que je m'intéresse à la question. Donc, si j'ose dire, en toute modestie, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Il y a des sites, je les ai mises dans le résumé que M. Muller et M. Jalabert ont fait paraître. Il y a un très beau site qui s'appelle Mer et Marine, il suffit de mettre Mer et Marine sur Internet et on a toute l'actualité tous les jours. Et puis, il y a beaucoup de livres. Il y a un livre très, très connu, je les ai mis aussi, qui s'appelle Les navires de guerre français. Il y a des revues qui paraissent sur les navires de guerre. On peut aller sur le site de la Marine nationale et on sait. Oui, sur le site internet de la Marine nationale, il y a toute la liste. Non, moi j'ai fait ça comme ça parce que je connais bien la question et que. Bon, j'ai vérifié un certain nombre de choses, mais ce n'est pas un travail de bénédictin, hein, non. Non. Il y a plus difficile que ça. Mais je connais la question depuis très longtemps, quoi. Je voudrais juste dire un dernier petit point par rapport à la question de madame tout à l'heure. En fait, je crois que Jeanne d'Arc n'est pas une femme, c'est un emblème.